L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Deux études différentes viennent de paraître et arrivent à la même conclusion. Le milieu situé entre les galaxies, le milieu intergalactique, est rempli d'atomes lourds sous forme de gaz ou grains de poussière. Alors que ces atomes sont produits au cœur des étoiles qui sont, elles, situées à l'intérieur des galaxies. Tous les éléments plus lourds que l'hélium, carbone, oxygène, azote, silicium, fer et au-delà, sont appelés par les astrophysiciens des métaux, même si ce ne sont pas tous à proprement parler des éléments métalliques. Ils sont produits lors des réactions de fusion nucléaire qui alimentent les étoiles, puis lors des explosions des étoiles les plus lourdes en supernova. Comme les étoiles se trouvent dans les galaxies, on peut s'attendre très logiquement à trouver quantité de métaux à l'intérieur des galaxies. Mais ce qu'ont montré les études d'une part de Michael Schull et al. Parues dans The Astrophysical Journal fin décembre, et celle de Joshua Peak et ses collègues soumises également à The Astrophysical Journal, c'est qu'il n'en est rien. Il y a également beaucoup de métaux en dehors des galaxies et parfois très loin, à la fois sous forme de gaz ionisés et de molécules complexes, petits grains de poussière. Dès la fin des années 50, lorsqu'on a compris que tous les éléments lourds étaient produits par les étoiles, les astronomes ont pensé qu'ils pourraient utiliser ces éléments lourds, ces métaux, comme ils disaient, comme des traceurs de la formation d'étoiles et des flux de gaz à l'intérieur des galaxies. En effet, il est relativement aisé d'observer ces gaz à l'intérieur d'une galaxie. Ils y sont denses et les étoiles brillent fortement, ce qui permet d'observer facilement la lumière réémise par les nuages gazeux en question et déterminer leur nature par l'étude de leur spectre de lumière. Mais c'est tout différent en dehors des galaxies. Là, les nuages métalliques sont très peu denses, très diffus, et on ne peut plus observer leur émission propre. Ce que l'on peut observer, c'est l'absorption qu'ils produisent sur la lumière d'objets situés en arrière-plan, bien plus lointains. Non seulement cette atténuation est très ténue, mais il se trouve que ces ions absorbent essentiellement des longueurs d'onde dans l'ultraviolet. Or, notre atmosphère aussi absorbe les rayonnements ultraviolets. Pour observer les spectres d'absorption provenant du milieu intergalactique, il faut donc nécessairement utiliser des télescopes en orbite. Et le télescope spatial Hubble fait ça très bien. Michael Schull, de l'Université du Colorado, et ses collègues ont étudié des données spectrales du milieu intergalactique concernant certains ions de carbone, azote, oxygène et silicium, et sont remontés ensuite, à partir de la densité d'ions dans des états ionisés particuliers, à la valeur de la densité des éléments considérés. Il conclut que pas moins de 5 à 15% de tous les métaux produits depuis l'apparition des premières galaxies se trouvent complètement en dehors des galaxies, dans le milieu intergalactique. Les 90% restants se trouvant bien à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur proche, à proximité immédiate des galaxies. L'équipe menée par Joshua Peak de l'Université de Columbia, elle, plutôt que de s'intéresser aux gaz ionisés et à son absorption UV, s'est intéressée aux métaux sous forme moléculaire, des petits grains de poussière nano ou micrométriques, formés notamment de carbone et de silicium, des silicates, qui produisent un effet de rougissement de la lumière située en arrière-plan. Ils ont ainsi traité des données du Sloan Digital Sky Survey sur un peu plus de 140 000 galaxies d'arrière-plan pour en extraire des profils de densité de poussière au voisinage de galaxies d'avant-plan. Avec ces profils de densité de poussière, ils calculent ensuite la masse de poussière située au voisinage de ces galaxies d'avant-plan. Leur conclusion en est que la majorité de ces molécules riches en carbone et en silicium se trouvent non pas à l'intérieur des galaxies, mais à l'extérieur. Alors, lorsqu'on met côte à côte ces deux études, une nouvelle image apparaît. Celle d'un univers où les galaxies expulsent dans l'immensité du vide une grande quantité de matière très riche, celle-là même qui forme tout ce que nous connaissons sur notre planète, à commencer par nous-mêmes. Il était suspecté depuis pas mal d'années que les galaxies ne contenaient pas tous les métaux qu'elles produisent dans leurs étoiles. Nous parvenons aujourd'hui à les localiser et à les quantifier. Il reste désormais à mieux comprendre les phénomènes physiques à l'origine de ce grand ensemencement cosmique, ainsi que depuis combien de temps il a eu lieu. Ces deux études donc, portant sur les métaux expulsés des galaxies sont parues ou apparaître dans The Astrophysical Journal. Le premier article s'intitule « Tracing the Cosmic Metal Evolution in the Low Redshift Intergalactic Medium » donc par Michael Chull. Et le second « Dust in the Circumgalactic Medium of Low Redshift Galaxies ». C'est une information qui est reportée cette semaine dans Nature, dont je mets le lien également en dessous du post. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez à l'écoute, www.ça-se-passe-là-haut.fr, et bon ciel à toutes et à tous.